Bonjour, on poursuit le chapitre 4 qui est donc consacré à deux collecteurs de folk music, Charles Loomis et John Lomax. On a déjà donc parlé de Charles Loomis qui a collecté des chants hispaniques et amérindiens dans le sud-ouest des États-Unis. Et on va à partir de maintenant parler des célèbres cowboy songs de John Lomax et des collectes qu'il a réalisées dans les années 1900 dans les Grandes Plaines. On commence aujourd'hui par une présentation du parcours de Lomax avant donc qu'il ne commence à collecter des chants de cow-boys. Né en 1867, Lomax est d'environ 10 ans le cadet de Loomis. Il grandit dans une petite ferme dans le comté de Bosque, dans le Texas, en bordure de la Old Chisholm Trail, qui est une piste qui était empruntée par les vachers, donc par les cow-boys, dans la deuxième moitié du 19e siècle, pour acheminer le bétail depuis les ranchs texans vers les gares ferroviaires du Kansas, pour ensuite les emmener dans les grands centres industriels du nord-est du pays. Dans son autobiographie publiée en 1947, Lomax raconte avoir passé de longues heures à écouter les chants de cow-boys passant devant sa maison, donc sur cette fameuse piste du bétail. Il se souvient également s'être lié d'amitié vers l'âge de 9 ans avec Nat Blyth, un ancien esclave employé dans la ferme de son père, auprès de qui il apprend encore d'autres chansons. Alors, ce type de récit mettant en scène une amitié d'enfance et des partages musicaux avec un musicien, donc chanteur noir, est très commun dans les autobiographies de musiciens américains blancs. On le retrouve dans quasiment toutes les biographies de musiciens blancs jouant de la musique qui va être plus ou moins apparentée au blues, notamment. Ce type de récit permet d'établir un lien intime avec des musiques populaires associées aux populations noires. Et dans le cas de Lomax, ce souvenir crée une continuité entre son enfance et ses travaux de collecte entamés une trentaine d'années plus tard et participe à légitimer son expertise en musique noire, notamment, et en chant de cow-boy pour ce qui est de son écoute des chants des cow-boys passant devant chez lui. A l'instar de Charles Loomis, la collecte de chants n'est pas la principale activité de John Lomax, du moins dans ses jeunes années. Ce n'est qu'en 1906, à l'âge de 40 ans, qu'il renoue avec son intérêt précoce pour les folk songs, après avoir occupé plusieurs emplois en tant qu'enseignant ou administrateur dans divers établissements éducatifs du Texas, et après avoir poursuivi des études en humanité, principalement à l'université d'Austin, donc au Texas. Cette année-là, donc en 1906, Lomax parvient à intégrer l'université d'Harvard, où il suit les cours de littérature et de folklore du professeur William Kittredge, qui est le successeur de Francis Child et un grand représentant du courant communaliste du folklore, ainsi que les cours de Barrett Wendell, qui est l'un des premiers chercheurs spécialistes en littérature américaine. Ces derniers, donc Kittredge et Wendell, vont témoigner de l'intérêt pour la collection de chants de cow-boys que Lomax va leur présenter et l'encourageront à publier ses chants. Alors, tandis que Loomis marchait à travers le pays dans une grande randonnée pour rejoindre son nouveau travail à Los Angeles, Lomax, lui, à l'heure où l'automobile commence à conquérir le pays, sillonne les grandes plaines à cheval. C'est du moins ainsi qu'il se met en scène cherchant des chants de cow-boy dans son autobiographie. Si Lomax réalise bien une poignée d'enregistrements de terrain à cette époque, en réalité, les collectes et les morceaux qui vont former son recueil de chants de cow-boy, loin de l'image romanesque d'un cavalier transportant à l'arrière de sa selle un phonographe Edison, s'appuient en fait largement sur des chants qui ont été publiés dans des journaux locaux ou dans des feuilles de chants. En avril 1907, Lomax peut même publier une circulaire dans plusieurs journaux de l'Ouest appelant les détenteurs de chants à lui envoyer les paroles par courrier. Donc en fait, à cette époque, il a fait très peu de collectes directement sur le terrain. Son ouvrage, donc Cowboy Songs and Other Frontier Ballads, chants de cow-boys et autres ballades de la frontière, est publié en 1910 suite à l'obtention de deux bourses d'Harvard et grâce au soutien de ses deux professeurs, donc Kittredge et Wendell. Le recueil débute par une courte introduction décrivant le contexte d'interprétation des chants sous la forme d'un tableau très romanesque de la vie des cow-boys dans les Grandes Plaines. Il contient une centaine de chants, certains agrémentés d'une transcription mélodique, mais avec très peu de notes et sans bibliographie. Le recueil est donc différent, tant des collections savantes des folkloristes littéraires, plus attentifs aux questions de classification, d'origine des chants et donc d'études philologiques en fait, des différentes variantes, que des travaux de Cécile Sharpe ou des anthropologues qui sont eux plus riches en notes de contexte et en analyse des contextes de performance. Hein, dans le recueil de Lomax, il n'y a même pas de mention des interprètes des chants qui font partie du recueil. John Lomax n'est pas le premier à collecter ni à publier des chants de cow-boys. Il est précédé par Jack Thorpe, le fils d'un avocat et agent immobilier new-yorkais, qui publie un petit recueil intitulé Songs of the Cowboys en 1908. Et encore avant Thorpe, en 1897, une petite brochure titrée Life and Adventures of the American Cowboy, signée par Clark Stanley. Alors Clark Stanley, c'était l'inventeur d'une concoction à base d'huile de serpent qu'il commercialisait dans des medicine shows. Et donc sa petite brochure contient elle aussi quelques chants de cow-boys. Le succès du recueil de Lomax, même s'il n'est pas immédiat, surpasse cependant largement hein, celui de ses prédécesseurs. Comme les ouvrages de Charles Loomis, le recueil de John Lomax est publié par une petite maison d'édition new-yorkaise et donc n'est pas une publication scientifique, mais un ouvrage qui est avant tout destiné au grand public. L'ouvrage est préfacé par son professeur Barrett Wendell et aussi par Theodore Roosevelt, qui vient alors tout juste de quitter la Maison Blanche. Leur lien avec Theodore Roosevelt est un autre point commun saisissant hein, entre Charles Loomis et John Lomax. Même si le premier, donc Loomis, rejette la politique impérialiste de Roosevelt, tandis que le second l'épouse, puisque lorsque la guerre hispano-américaine avait éclaté en 1898, Lomax avait envisagé sérieusement de rejoindre les Rough Riders, donc l'équipe de soldats menée par Roosevelt à Cuba. Voilà. Dans l'introduction de Cowboy Songs and Other Frontier Ballads, Lomax écrit, et là je le cite, « J'ai violé l'éthique des collecteurs de ballades, dans quelques cas, en sélectionnant et en assemblant ce qui semblait être les meilleures lignes de différentes versions, racontant toutes la même histoire. Franchement, ce volume est fait pour être populaire. » Ce passage témoigne de la volonté de Lomax de diffuser ses chants de cow-boy auprès du plus grand nombre, même si c'est au détriment d'une méthode de collecte rigoureuse. Ce parti pris contribue sans aucun doute à sa notoriété. Comme Charles Loomis, Lomax se trouve alors en marge du monde académique. Il est soutenu par d'éminents professeurs et utilise le circuit des conférences universitaires et des sociétés savantes pour promouvoir son ouvrage. Il parvient même à être nommé directeur de l'American Folklore Society pour 2 ans en 1912, soit 3 ans après qu'il ait fondé la branche texane de l'American Folklore Society, donc la Texas Folklore Society. Pourtant, sa position dans la sphère académique reste quand même marginale. Il n'occupera jamais aucun poste universitaire, et surtout, l'absence de méthode rigoureuse, les faiblesses analytiques de ses travaux et sa volonté de populariser les chants plutôt que de les étudier, lui vaudra de sévères critiques de la part de chercheurs tels que notamment Cécile Sharpe. Après la publication de Cowboy Songs and Other Frontiers Ballads, Lomax est contraint de diversifier ses activités pour subvenir aux besoins de sa famille. Lui et sa première épouse Bess Brand ont 3 enfants. Shirley, qui est née en 1904, John Jr. en 1907 et le petit dernier, Alan, en 1915. Dans les années qui suivent la publication de Cowboy Songs, John Lomax fait quelques tournées de conférences puis s'installe à Chicago pour travailler dans la finance. Donc pas grand chose à voir avec sa carrière de collecteur, avant de revenir au Texas où il est nommé secrétaire de l'association des anciens étudiants de la Austin University. Il ne reprendra ses activités de collecte qu'au début des années 30. Il sera accompagné cette fois-ci de son jeune fils Alan et accédera enfin à une reconnaissance institutionnelle en devenant le 2e directeur de l'Archive of American Folk Song de la Bibliothèque du Congrès. Voilà, donc dans le prochain épisode, on s'intéressera au contenu hein, des chants de cow-boys et donc du recueil de Lomax. On se quitte avec un morceau collecté par John Lomax et par sa femme Terril Lomax, beaucoup plus tard, en avril 1939, à Falfurrias, au Texas. Et donc le morceau, c'est The Dying Cowboy, interprété par Frank Goodwin. À la prochaine. Oh, bury me now. Bury me now.